Bonsoir, bonjour, bienvenue dans le secret du son d'abat. Bonsoir Monsieur Melon. Salut Grigoula. Bienvenue dans cette émission qui s'annonce écouliche mais qui ne le sera pas. Voilà, en fait, on y est arrivé. Changement y... de programme. Changement de programme, on n'y est pas vraiment arrivé. Enfin, on va un peu danser, on va un peu tchiki du bouti. Mais on va aussi se morfondre. Mais on va se morfondre parce que c'est l'automne, il fait un peu gris, etc. Que le ticket à la paf, ben on n'en a pas la soir et tout ça. Bref, on n'est pas dans un deuxième état qui nous permettrait de danser, de se lâcher. Alors, on commence tout de suite par Pinback. Bon, Pinback, c'est pas complètement dépressif, c'est mélancolique. Mais c'est nuance. Pas... Nuance. Pinback, pourquoi ? Parce que ils seront en tournée européenne à cet automne 2011. On aura l'occasion de les voir le 22 novembre à l'Antipode à Rennes et puis un peu partout en France. C'est l'occasion plus que jamais de les voir. Je rappelle, c'est la moitié de Through My Pilot qui avait sorti un sublime album l'année dernière, 2010. Pinback, dont l'autre moitié est bien sûr Black Heart Procession. On écoute un extrait d'un 45 tours sorti pour la journée des disques, enfin des disques indépendants. Des disques indépendants au niveau international, mais c'est surtout évidemment très suivi aux États-Unis. Et Pinback a produit un 45 tours juste pour ce jour-là avec des inédits. On écoute tout de suite un extrait de ce 45 tours Pinback, donc très bientôt dans nos contrées. Ça, je m'en réjouis. Quite a long time, you will die where you land. l'instant Pinback dans le secret du son d'abat, aka la bande à Woolsey. Évidemment. Ça, c'est vraiment de la private joke, mais ça remonte au concert de Black Heart Procession. J'avais vraiment trouvé que ça sonnait très Woolsey, mais bon, avec la mauvaise foi qui me caractérise. Et je me disais, mais c'est les mêmes là ou... Toujours avec cette même mauvaise foi, dont je l'avoue. Voilà, Pinback qui seront donc en concert à l'Antipode. C'est vrai que ce qui concerne le Black Heart Procession avait été vécu de façon assez différente d'une personne à une autre. Moi, j'avais passé plutôt un bon moment, et d'autres n'avaient pas trop aimé. C'est vrai que le son était particulier. Voilà. Je m'étale pas, voyez-vous. On va poursuivre avec, on reste peinard, on reste tranquille avec un autre gazier. Plus rare, encore plus rare que Pinback, c'est Bonnie Prince Billy, en tout cas dans l'Ouest. Bonnie Prince Billy qui aura été, suivant au moment où vous écouterez l'émission, à l'automne, donc dans le cadre du Festival Soy, en concert au lieu unique à Nantes. Voilà, pour un concert très attendu par tous les fans de Bonnie Prince Billy. Bon, on ne le présente plus, hein, Willie Oldham. Palace Musique, etc., etc. Une discographie longue comme mes deux bras. Ouais, je sais plus. Plus tes deux jambes maintenant. Hein, plus tes deux jambes. Il sort à peu près deux albums par an. Plus on s'arrêtera là, par contre. Ouais. on va écouter un extrait de son nouvel album. Sur des terrains par rapport au précédent, pour ceux qui l'ont écouté, un chouïa plus country, un peu moins... un peu moins jovial, on va dire, mais le ton reste léger, un petit peu ironique, hein, pas forcément de spleen, voilà, avec quelque chose de particulier, un truc bien à lui. Cet album s'appelle Wolfroy Goes to Town, c'est sorti chez Domino à cet automne 2011. Il tourne avec ce nouveau line-up et pour la sortie de ce nouvel album. On écoute un extrait tout de suite dans le secret du son d'abat. Voilà, et je peux que le conseiller, hein, tout simplement. Je peux que le conseiller. Oh, once I had a partner, but now that is done, I made awful actions that I thought was fine. Here years have come on, and I live like a king, like a monarch who rules over all that he sings. Oh, but none will come near me, and fewer stay by. They know what I've done and where my faith lies. I started in old world, have come down to new, and all my actions and my behaviors and my beliefs, they come with me too. So far and here we are. So far and here we are. So far and here we are. There had been a time when the world knew my name, and they may know it somewhere still. Oh, but I ain't the same. So far and here we are. So far and here we are. So far and here we are. The barefoot, the stupid, the cute, and the sharp have bowed and been broken by me or so by far God. And here we are. So far and here we are. So far and here we are. There's no rest for the wicked and less for the good. I don't see you here, dog. Tiny ass hamburgers, tiny ass cheeseburgers, tiny ass chicken sandwiches. It's outlandish, kid. Am I trying to speak to the kid in Spanish, kid? Like, que tu quieres? I'm like, where is the bathroom? I hella gotta piss, where's the bathroom? Ask whom the bell tolls for. Ayo, where you get this place? From the hellhole store? Yo, I'm in the building, building with belding. Ask for whom the bell rings, DR. Something like a neo-rap Zack attack. Finna spark an L and have myself a Big Mac attack. Known to rock the flyest shit and eat the best pizza. Charge that shit to MasterCard, already owe Visa. Catch me drinking lean in Italy like I was Pisa. We could eat the flyest cave-age cheese for she's ma. Yeah, we could eat Briere as if we care. We could eat Rockfort, or we could just kick it like Rockports in the periphery of Little Sicily. Little did she know I'm tickling boo, she's so giggly. Catch me solving mysteries like Wikipedia Brown. It's the future, get down. We make a sound even if nobody's around. Like a tree or the tears of a clown. Yo, I'm afraid of clowns, I'm afraid of small towns. Positive energy is something like I'm afraid of all frowns. Catch me at the crib getting like to Jeff Mangum. It's fun to do bad things like rhyme about handguns. If any problem pop off, a Joe Pesci any fool while drinking that pop off. That's cause I'm a good fella, stay about the hood hella much now. But punch clowns if they touch down while I'm eating lunch now, while I'm eating a burger. Metaphysical, spiritual, lyrical murder. The ill 96 manifestable third eye. Abstract backpacks, vegan skateboards, etc. Rap hella much and busted ass debtors with Coretta Scott King. Rap bridge on a duet with T-Pain and Stephen Hawking. I'm not joking, stop jocking, stop talking. Shut up, hush up, please shut the fuck up. Shut up, dude, shut up. That's racist, it's the new cool G rap. Peep us at the Grammys, we'd like to thank G-Chat. We'd like to thank Weed Rap. The best rappers, be real. Jokes, it's us, come on, be real. Second Latin rapper to like the Beatles. But on the real, they swear I'm blacker than Cheeto, like Don King playing Donkey Kong Country at his cousin's house. You don't even know what it's about. This is panic attack rap, eating four flapjacks. Trap raps, let them free, they always come back to me. The internet told me that that's called love. I'm on the internet cause I'm an internet thug. Himanshu, yes I'm in control, man. Pause vibe, emanator, yes I got my soul tan. Soul shine, soul glow, so so homo. Catch me on the south side, kicking it with Shlomo. Kicking it with Gary Soto, all the cholos saying mira el joto. Just because I rock the secondhand Versace, watch me, watch me. The second hand couldn't even clock me. You couldn't see me like a Cuban playing hockey. Cracker in the chocolate, that's human pocky. Papa look stocky, mama look chalky. Me, I look a little something like a young Shock G. Words come through me like I was a walkie-talkie. All I do is open up my mouth and just rock. See, you, you are not me. Me, I am possibly everything plus everything that is not me. Jokes that is not T. Are you, E, are you understanding everything? Do you got me? Catch me in the trees where it's shady like Lockheed Martin, sparking in the shade of the trees in the park. Be heartbeat, angels stay singing in the dark like the rainbow in the Ronnie James Dio joint. Hit it from the backcourt like it was a three-point. I don't give a fuck, I'm a duck to a decoy. No trust in white-faced man like Geronimo. Tried to go to Amsterdam to throw us in Guantanamo. Très attendu, ce premier album de... de nos amis Das Racist, Das Racist de Los Angeles et donc voilà, un peu trop attendu peut-être à mon goût après deux mixtapes qui avaient tapé fort dans l'oreille de beaucoup de gens, même si elles étaient à mon avis assez inégales. Et ben l'album il est un peu à l'image de ces mixtapes inégales avec des bons morceaux et puis des trucs qui se traînent un peu sur lesquels on a presque envie de zapper, hein. On a un peu envie de zapper. Ce deuxième single tiré de l'album Relax, il est sympa mais il déchire pas, c'est vrai. Après Michael Jackson, après le premier single Michael Jackson qui est une grosse tuerie, c'est difficile. Mais voilà, on a l'impression qu'une fois de plus c'est un groupe qui est un peu survendu, etc. Et du coup c'est voilà, quand les dans les milieux autorisés, parce que ça voilà. C'est pas ça, je crois pas que ça chiffre non plus. Ça chiffre pas, mais tout le monde en parle. Voilà, donc tu sais, quand Gradia elle commence à parler d'être raciste, tu sais, souvent c'est que ça commence à en parler, tu vois. Ok, voilà, mais c'est pas encore Paris Match. Alors, on reste à Los Angeles. On reste à Los Angeles avec on va se faire une grosse dose de sucre d'orge. On va partir dans l'Intelligence Barba Papa Music avec avec Satin Panther. C'est le nouveau mini LP de Hudson Mohawk. Ah, je croyais que c'est carrément un nouveau LP, mais non, il y a 5 titres. Ah, mais c'est un feignant. Hein. Ah, j'ai pas dit qu'il y avait rien qui allait suivre, mais voilà, c'est 5 titres qui en annoncent sans doute d'autres. Ça guinche, c'est très voilà, c'est très bubblegum, c'est influencé par le meilleur de la dance music africaine, en même temps que le R&B, en même temps qu'effectivement des choses plus warpiennes. Ça sortit d'ailleurs par Warp. Moi j'aime beaucoup, mais bon, c'est limite abusé. En tout cas, on va faire le morceau Thank You qui est le gros tube parmi les gros tubes de ce 5 titres. Autumn Walk dans le secret du son là-bas. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Un instant, Bombaman. Bomba. Bomba, voilà. Bombaman tiré d'un EP qui s'appelle Milostrare. Juste un rectificatif, Greg, que je voulais absolument faire. Parce Oui, sur Hudson Hawk. Je vous enduis d'erreur là. Hudson Hawk n'est pas du tout de Los Angeles. Il a effectivement vu sur Pacific Palisade et d'un côté et Malibu de l'autre depuis sa chambre de Glasgow. Mais il est bel et bien écossais. Voilà. Voilà. Rectification faite, j'ai rien à dire sur Bombaman si ce n'est que ce EP est Que ça a pu sortir sur Warp. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment étonnant. Et le reste, ça part dans des choses plus électro-cumbia, plus on en reparlera dans d'autres éditions du Secret du Sonoma, ce qu'on appelle le Moombaton, etc. Et, il y aura peut-être même une spéciale. Oh, je sais pas, j'en suis pas. On n'est pas dans soukous ethnique ici, mais en tout cas, voilà, vraiment un chouette EP qui était libre téléchargement, donc Bombaman. Voilà, vous trouvez ça gratos, c'est peinard, c'est partout, cool. Partout. Partout sur le net. Voilà, on poursuit pendant qu'on est en train de se légèrement se bouger le popotin. Voilà, inutile de descendre de la table si vous étiez en train de danser dessus. Au contraire, on vous sert en tequila et c'est chaud. Enlevez le haut là parce qu'on part direct au Portugal et on vient rejoindre Buraca Som Sistema qui sort cet automne 2011 un deuxième véritable album. Que j'ai pas encore écouté, donc je peux pas vous en parler, mais on va écouter un extrait, on va écouter le tube de leur précédent album. On va saliver en se remémorant. Voilà, sorti en 2008-2009, Black Diamond, et on va écouter évidemment Kalamba avec le Wake Wake, parce qu'on va se voilà, petit appel du pied au Kuduro, parce que on en parle des fois, on entend parler, mais qu'est-ce que c'est le Kuduro? Ben voilà, on va en écouter. Là, c'est une version un peu alternative avec un mélange de breakbeat et de MC, etc. Mais voilà, il y a cet esprit Kuduro qui passe dans Buraka Sound Sistema. Les Portugais, on écoute ça dans le secret du son d'abord. Wake it, wake it, wake it, wake it, wake it, wake it, wake it, wake it, wake it, wake it, wake it, wake it, wake it. Pongo love, tô com a buraca, abro fronteira. Não digo lixo, nem digo asneira. No microfone sou a primeira, vou levantar a minha bandeira. Angola, o mundo cubiça, mas é o povo que te feitiça. A pongo no beat capricha, porque sou rara, tipo Velvicha. Sou mesmo eu, a da mangas muito agressiva. Me derrubar, nem como a cumba, sou criativa. Thank you. somos espeta faca, mata faca, cheta faca, eu é. Dans le secret du son d'Abba, c'était Costoletta, évidemment, l'hymne Kuduro quasiment. Voilà un morceau emblématique de ce mouvement venu d'Angola, qui veut dire cul dur. Pour ceux qui ont vu les vidéos des danses de Kuduro, il y avait le coupé décalé, il y avait le secousse, mais alors Kuduro, autant vous dire, c'est vachement plus radical. C'est beaucoup plus violent au niveau du bassin et au niveau de la symbolique, c'est beaucoup plus radical aussi. Voilà, Kuduro, évidemment, le mouvement de fond qui, voilà, c'est annoncé, ça existe depuis 1996, mais évidemment, l'explosion, c'est depuis le fait qu'ils ont mis pas mal d'électro là-dedans, mettant en avant la bass music pour en faire un gros truc qui bastonne. C'est une musique qui nous vient du sud, voilà, qui est Angola, Portugal, et voilà, qui fonctionne bien en club, etc. Bon, évidemment, en Bretagne, c'est bon, il y en a moins, bah, faudrait demander. On va s'y employer. Vraiment, voilà, c'était tiré d'une compilation hein, qui s'appelle Kuduro Connection et qui revient évidemment sur les plus. Bon, y a, comme d'hab, hein, y a à boire et à manger hein, sur ce type de compil. Mais évidemment, il y a quelques classiques assez terribles. Voilà, et je vous invite à vous plonger dans l'immensité de la production Kuduro. Qui est évidemment assez complexe, les méandres, il n'y a pas de magazine de référence qui va t'expliquer quel artiste est plus intéressant que d'autres. C'est un peu comme le coupé décalé ou des choses comme ça. Bah, ou le Shangan Electro, qu'on s'était fait il y a quelques temps. Voilà, on fait des essais un peu exotiques dans le secret du son de basse, c'est pour ça que c'est beau. On va changer complètement de style, semble-t-il. De continent, de style. Voilà, mais c'est ça aussi ça. Le secret du son d'abord avec Colin Stetson. Voilà, alors c'est vraiment une valeur montante de la musique, on va dire. Jazz, on va employer le mot. Toujours à manier avec des pincettes, ce mot. Ouais, hein, pas, pourtant, il n'y a que 4 lettres, mais alors, faut faire hyper attention. Oui, là, parce que de toute façon, c'est Colin Stetson, c'est un saxophoniste qui joue du saxo basse, du saxo alto ou autre. Il reste un musicien de jazz, comme il se définit lui-même, inspiré notamment par des gens comme Peter Brossman. Voilà, l'ambiance est posée. Voilà, je pense que c'est. En même temps, on est dans quelque chose qui se situe à mi-chemin, j'ai envie de dire, entre le free jazz de Brossman et puis les répétitifs new-yorkais. Moi, j'y vois énormément de références. Et de toute façon, il s'entoure aussi de gens comme Laurie Anderson, pour ne citer qu'elle, sur son dernier album. Alors, on va s'écouter un EP qui est sorti peu ou prou en même temps que le dernier album, le deuxième album. Le EP s'appelle Those Who Didn't Run et l'album s'appelle New History Warfare Volume 2 qui faisait suite au New History Warfare Volume 1 qui est sorti il y a quelques temps. Bravo. Les deux derniers sont parus chez Constellation. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Enfin, moi, je suis assez fan de. Tu disais que souvent il collabore avec Ephraim. Ephraim Menuk a enregistré les sessions pour l'album. Ben Frost les a mixés. Alors, c'est pas le cas du EP qu'on va s'écouter, Those of the Indian Run, avec le morceau The End of Your Suffering. C'est un morceau qui dure 10 minutes, qui est relativement répétitif. La technique est assez époustouflante, à vrai dire, presque confondante, parce que par moments on a l'impression que c'est généré par un séquenceur. En fait, il prend soin d'ailleurs de le préciser sur la note de pochette, no loop, no overdubs, c'est vraiment joué. Et très vite on s'en rend compte quand on tend l'oreille, qu'on s'habitue à sa musique, on sent le souffle, on sent les mouvements, il est à côté de nous, tu vois, c'est vraiment, c'est très très physique, le toucher, le souffle, etc. Et la technique, pour époustouflante qu'elle soit, ne prend pas le dessus sur le propos qui reste souvent mélodieux, presque accessible, j'ai envie de dire, et qui s'inscrit complètement dans la lignée je parlais des répétitifs new-yorkais et d'autres. C'est vraiment quelque chose de, moi que j'aime énormément, c'est la grosse leçon, tu vas voir ça tout de suite. Ça s'appelle The End of Your Suffering, c'est tiré du EP Those Who Didn't Run, c'est Colin Stetson sur Constellation. Thank you. We'll be right back. c'était notre gros quart d'heure musique répétitive après l'excellent Colin Stetson, grosse claque. On écoute Surgeon. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, ouais. Avec ce Those Who Didn't Run de Colin Stetson qui donc faisait suite hein, et qui ne précède pas hein, l'album New History Warfare Volume 2. Donc, peu importe, je pense qu'on aura l'occasion de se refaire une tranche parce que, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai découvert un petit peu sur le tard ce bonhomme et ça y est, je suis accro. Oui, alors quart d'heure répétitif parce que là, avec Surgeon, on est vraiment dans l'esprit aussi de la répétition, de la boucle évolutive, des itérations qui ne se ressemblent pas tant que ça. Enfin, elles ne sont pas évidemment identiques de l'une à l'autre, sinon ça ne présenterait pas le moindre intérêt. Et donc là, c'est son nouvel album qui est paru dans le courant de l'année. Sur Dynamic Tension, ça s'appelle Breaking the Frame. Dynamic Tension, je crois bien que c'est tout bonnement sa propre maison. Hein, donc il s'auto-produit en quelque sorte. Alors t'as pas l'air de connaître Sir John. C'est, non, ça me dit quelque chose. Le chirurgien, son patronyme en anglais. Et c'est vrai que c'est un gars qui produit de la musique techno depuis le milieu des années 90. Moi j'avais eu l'occasion de le voir en club vers 94-95. À l'époque, justement, son côté très clinique, très froid, très répétitif. Il n'y avait pas d'amis. Il joue en début de soirée. non, c'était. Non, ça fait des années et des années que ce gars-là est hyper connu hein, dans le registre. C'est la scène techno de Birmingham. Il a notamment signé à plusieurs reprises Mick Harris sous des patronymes moins connus pour des morceaux de techno-dub qui sont pas évidemment les plus connus de ce qu'a fait Mick Harris. En tout état de cause, moi voilà, je le connaissais, j'achetais certains de ses disques, mais j'étais pas passionné, je trouvais que ça manquait de relief, manquait d'aspérité, manquait peut-être de faille, tu vois, le côté, enfin, il fallait le voir mixer, je veux dire, il y avait rien qui dépassait, c'était très très très impressionnant et c'était pas du tout du temps où aujourd'hui les machines les Serato et autres et autres logiciels font le job et où t'as plus qu'à remuer du popotin derrière. C'était vraiment très physique, très précis, très technique. Il méritait à 200% le patronyme qui s'était choisi. Et puis lentement, peut-être au contact de l'autre versant de la scène de Birmingham, le versant métal, le versant sombre, il a commencé à dériver vers des choses qui m'ont paru plus intéressantes. Sous son propre nom, Anthony Child, pour notamment un EP d'ambient noise sur Fat Cat, à l'époque partagé avec Speed Ranch. Et puis une techno de plus en plus, de plus en plus rugueuse, de plus en plus déviante, aux côtés d'un autre bonhomme qui a quasiment une réputation identique, c'est Carl O'Connor sous le nom de Régis. Et donc ensemble, ils ont fait les British Murder Boys, ils ont fait un certain nombre de choses comme ça. Et puis là, cet album synthétise un petit peu ce que j'aime le plus aujourd'hui chez Surgeon, c'est-à-dire la synthèse de son hypnose technoïde, mais aussi les fracas un peu à la White House qui ne manquent jamais de passer quand ils jouent les DJ, les équations à la Autechre, et tout ça est assez bien synthétisé, notamment dans le morceau qu'on vient de s'écouter, qui est assez peu courant dans tout ce qu'il a pu faire, mais qui sans doute reflète assez bien le travail qui est devant nous, qui est devant lui, et que moi j'apprécie tout particulièrement. Voilà, donc ça s'appelle Breaking the Frame, c'est un double LP sorti chez Dynamic Tension. On poursuit et là on quitte encore d'univers parce que voilà, on aime voyager dans le secret du son d'Abba et on découvre Toumani Diabaté. Voilà, on voyage et à la fois on voyage dans le temps, on retourne en 95 parce que là on n'est pas du tout dans l'actualité, c'est simplement un disque que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, à côté duquel j'étais royalement passé parce que voilà, j'écoutais absolument pas de disque composé avec de la Cora en 1995. T'étais en club, tu viens de le dire. Je vivais la nuit, je vous fais pas de dessin. Quoi qu'il en soit, c'est un très très beau disque donc d'un musicien malien, donc Toumani Diabaté. J'ai pas grand chose à vous dire parce que je le connais pas bien. Ça s'appelle Jelika. On va s'écouter le morceau qui s'appelle Check ou Marba. Et voilà, moi j'aime beaucoup, j'écoute beaucoup ça ces temps-ci. Et j'ai pas besoin de m'expliquer plus avant. Thank you. est en avion, en voiture, à pied, elle voyage. Elle est à Boulogne, dans une villa, dans un jardin, elle marche. Elle est à l'hôtel, dans un palace, à Paris, elle se maquille. Elle est avec Henri, Richard, François et Dodi, elle boit du champagne. Elle porte un bracelet, des perles et une montre en or, elle est belle. Elle regarde une écharpe, des montres, des broches, elle fait du shopping. Elle est avec un garde du corps, un photographe, un playboy, elle sort dîner. Elle va dans un bar, un restaurant, une brasserie, elle fait du shopping. Elle est dans un appartement, une suite, une salle à manger, elle sort dîner. Elle téléphone, ordonne, craque et crie, elle est énervée. Elle est photographiée, suivie, harcelée, elle est de mauvaise humeur. Elle monte en voiture dans une Mercedes avec Dodi, elle roule. Elle est en voiture dans une Mercedes à Paris avec Dodi, elle roule vite. Elle est assise à l'arrière dans une Mercedes avec Dodi, elle roule très vite. Elle est sous un pont dans une Mercedes avec Dodi, elle a un accident. Mais elle est toujours vivante. Elle est avec le docteur, mais elle est toujours vivante. Elle est à l'hôpital, mais elle est toujours vivante. Elle a un arrêt cardiaque, mais elle est toujours vivante. Elle a un visage pâle, mais elle est toujours vivante. Et oui, un instant, c'était Anne-James Chaton et Andy Moore pour... La série des petits 45 tours, j'allais dire, oui, des 7-inch transferts. C'est le transfert de Princess in a Car, donc consacré, comme vous l'avez compris, aux princesses décédées en voiture. En face A, Lady Di, en face B, Grace Kelly. Avec toujours cet hyper réalisme d'Anne-James Chaton, quasi désincarné, puis qui contraste complètement avec bon, à la fois le pathos, parce que je veux dire, c'est un drame qu'on a tous vécu, enfin, on a tous été, je dirais, obligés, plus que conviés par la presse qui ment à s'apitoyer sur cette histoire qui, censément, ne nous concernait pas des masses. Pas trop. Et en même temps, c'est vrai que le pathos, il est aussi dans les boucles de guitare distillées par Andy Moore. Donc ça fonctionne, on sent les derniers battements cardiaques de Lady Di, on a le souffle coupé à la fin, on est pris au jeu, et c'est très réussi. C'est sorti sur Unsounds, un label donc de néerlandais, tout simplement. Et puis donc voilà, série des petits 7 pouces transfert. Ouais, les deux Gugus, on pourrait les voir. Début 2012 à Nantes au lieu unique avec 18 janvier pour être précis. Avec une autre star. Avec Alvan Otto, donc Alvan Otto. En trio et dans un cadre qu'ils appellent Décade. Donc ça, je pense que ça va valoir le coup de J'ai faire vu les le trois déplacement. Déjà, les trois, c'est très bien. Je les ai pas vus les trois ensemble, mais ça va être l'occasion. Je pense qu'il faudra pas les rater. Alvan Otto, Andy Chaton et Andy Moore. Et Andy Moore. On va se quitter avec. Avec John Beltran. John Beltran, c'est quelqu'un d'assez discret dans la scène techno. Pourtant, on a pu suivre ses travaux depuis plus de 15 ans sur différents labels, Peace Frog notamment, qui était un label techno de renommée au milieu des années 90. Ses travaux sont toujours empreints d'un certain romantisme, c'est assez léché. Ça conviendra pas à tout le monde, évidemment. Moi, ça m'a toujours assez plu dans le genre chill out, tu vois, les fins de week-end où ça fait du bien de reposer ses oreilles, n'est-ce pas? Et il a toujours bien su le faire. Son esprit. À l'instar de quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup et que j'avais eu l'occasion de diffuser, comme Donatella Costello. Voilà, c'est un peu le même état d'esprit. Il sort tout récemment là, une sorte d'anthologie, c'est un bien grand mot, en tout cas. Un disque qui retrace 15 ou 16 années de morceaux ambiante techno, et on va s'en faire un extrait. Alors on va plutôt taper dans les choses assez récentes avec le morceau Expecting qui a été réalisé tout récemment pour compléter donc cette série de morceaux. John Beltran dans Le Secret du Son d'Abba. On se quitte là-dessus, à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci à toi David, ciao.